et un peu du cassoulet bon marché. Oui, donnez-nous des sous pour passer du goulou aux 20 millésimés. Oui, donnez-nous des sous pour changer nos Peugeot en BMW. Oui, donnez-nous des sous pour que nos cartes bleues ne craignent plus d'y rester. Oui, donnez-nous des sous. Si les poètes chantent en chœur le sens de la vie, l'amour des femmes, les petites fleurs ou Joe le taxi, chantons plutôt à haute voix comme sous Pompidou ce que tout le monde pense tout bas. Donnez-nous des sous pour écluser de bonnes bières dans les cafés. Oui, donnez-nous des sous pour payer les chanteurs qui triment dans les cafés. Oui, donnez-nous des sous pour voir le film porno enfin décrypté. Oui, donnez-nous des sous pour ne plus entamer les fins de mois le premier. Oui, donnez-nous des sous. Les poètes chantent en chœur le sens de la vie, l'amour des femmes, les petites fleurs ou Joe le taxi. Chantons plutôt à haute voix comme sous Pompidou ce que tout le monde pense tout bas. Donnez-nous des sous pour ne plus jamais se lever pour aller bosser. Oui, donnez-nous des sous pour abonner en douce les couvents à guépier. Oui, donnez-nous des sous pour imiter Gainsbourg, en faire de la fumée. Oui, donnez-nous des sous pour acheter TF1, pour virer Sabatier. Oui, donnez-nous des sous. Des cocktails sous les cocotiers. Oui, donnez-nous des sous pour squatter les concerts, les expos, les ciné. Oui, donnez-nous des sous pour aider le gars des villes à sortir un CD. Oui, donnez-nous des sous. Enfin bref, pour vivre un peu avant de crever. Oui, donnez-nous des sous. Les poètes chantent en chœur le sens de la vie, l'amour des femmes, les petites fleurs ou Joe le taxi. Je chante, m'en veuillez pas, sans honte ni tabou, ce que tout le monde pense tout bas. Donnez-nous des sous